Chapitre 8. 3000 ans, c'est la période estimée de présence des hommes en Gwendalavir. Et avant, tout laisse à croire que nous sommes originaires de l'autre monde. Une migration, si le terme convient, aurait conduit nos ancêtres jusqu'ici. Le grand pas. Elis Miltruif, maître dessinateur à l'Académie d'Al-Jet. Les Raïs les attaquèrent en milieu d'après-midi. Ils avaient atteint le fond d'une combe. Salim regardait avec appréhension la longue montée qui les attendait lorsque les cris s'élevèrent. Edwin se retourna et poussa une série de jurons. La piste à cet endroit était assez rectiligne. La horde se découpait nettement en haut du col qu'ils venaient de franchir. Camille eut un hoquet de dégoût. Les Raïs étaient encore loin, au moins 300 mètres, mais elle voyait déjà à quel point ils étaient monstrueux. Plus petits que des hommes, ils étaient beaucoup plus trapus. Leur démarche était chaloupée, leurs gestes frénétiques. Ils portaient des morceaux d'armure disparates et brandissaient un armement hétéroclite, allant de l'épée à la lance en passant par le fléau et la massue. En poussant des hurlements sauvages, ils dévalèrent la pente dans leur direction. Ils étaient une cinquantaine. Edwin regarda autour de lui, observa la montée qui les attendait et aboya un ordre. « Descendez de cheval! Laissez tout, sauf vos armes, et suivez-moi !» Il écarta deux buissons sur le côté de la piste, révélant un passage à peine marqué, certainement un sentier d'animal sauvage. Il s'y engagea en criant. « Et Willan, derrière moi! Bjorn, Maniel, à l'arrière! S'ils se rapprochent, arrêtez-vous et bloquez-les !» Il s'enfonça entre les arbres, essayant de progresser le plus rapidement possible, et Camille le suivit, en se demandant s'il ne devenait pas fou. Se frayer un chemin dans ces taillis inextricables était presque impossible. De plus, les Raïs bénéficieraient de la trouée que leur passage ouvrait dans le sous-bois. Ils seraient sur eux en moins de 3 minutes. Soudain, le laillon s'élargit pour devenir une piste. Edwin accéléra. Camille fut vite essoufflée, mais ce n'était rien par rapport à Maître Duhaume. Le vieil analyste était hors d'haleine et ne parvenait à suivre qu'à grand-peine. Les cris des Raïs se firent entendre, plus distincts. Edwin et Camille étaient en tête, suivis de Salim et d'Elana. Maître Duhaume, épuisé, courait juste derrière Artis, devant Bjorn et Maniel. Ils arrivèrent à une intersection. Là, Edwin perdit plusieurs secondes à scruter le sol. Il choisit enfin une voie et reprit sa course. Camille crut un instant que le sentier disparaissait, mais au détour d'un taillis, il lui apparut de nouveau, plus large, permettant le passage de deux hommes. À l'arrière, Bjorn exhortait Maître Duhaume. « Courage, nous sommes bientôt arrivés !»« Arrivés où ?» songea Camille. « Et peut-on vraiment semer ces créatures ?» Elle comprit que le chevalier ne cherchait qu'à encourager le vieil homme, repoussant ainsi l'échéance tragique d'un combat perdu d'avance. Les hurlements des Raïs étaient maintenant tout proches. Camille risqua un regard en arrière et aperçut celui qui menait la poursuite. C'était un humanoïde trapu, au faciès porcin. Deux crocs jaunes pointaient sous sa lèvre inférieure. Sa peau verdâtre était couverte de pustules. Il portait une armure légère, hérissée de pointes et de lames, et tenait à la main un sabre recourbé. Derrière lui couraient 4 autres Raïs, aussi monstrueux. Maniel dut sentir que l'affrontement était inévitable. Il stoppa net et pivota, pointant sa lance de combat. Le premier Raïs s'y embrocha. À son tour, Bjorn s'arrêta. Il balança sa lourde hache et se rangea à côté du soldat. Edwin attrapa Camille par l'épaule. « Cours !» ordonna-t-il. Elle obéit. Rapidement, le bruit du combat s'estompa. Camille sentit son cœur se serrer. Bjorn et Maniel venaient-ils de se sacrifier pour qu'elle survive ? Edwin la faisait louvoyer entre les troncs d'arbres gigantesques, les taillis impénétrables, les roncis agressifs. Elle devait sans cesse se courber pour éviter des branches basses, bondir par-dessus des souches, mais la piste qu'il suivait se précisait, comme si elle était empruntée régulièrement. Juste derrière elle, Salim et Elana couraient à foulées régulières. Il lui semblait être la seule à souffrir autant. Son cœur battait la chamade. Un point de côté lui perçait le flanc, ses jambes se faisaient de plus en plus lourdes. Le sentier commença à sinuer entre d'énormes rochers. Camille crut que ses poumons allaient exploser. Soudain, Edwin s'arrêta. Les autres faillirent le percuter et le maître d'armes leur adressa un signe péremptoire. Il écoutait attentivement, son attention braquée vers l'avant. Maître Douhomme et Artis Valpierre arrivèrent à leur tour. Le vieil homme était pâle. Il avait des difficultés à respirer et se tenait la poitrine. Le rêveur le soutenait de son mieux. Edwin écoutait toujours. Finalement, il se tourna vers ses compagnons. « Vous allez attendre mon signal, » murmura-t-il. « Puis, vous foncerez tout droit. Le sentier descend en pente raide et rejoint la piste principale pas très loin de l'endroit où nous l'avons quitté. Quoi qu'il advienne, ne vous arrêtez pas. » Elana voulut poser une question, mais Edwin lui fit signe de se taire. Son attention se portait maintenant vers l'arrière. Des bruits de course retentirent et Edwin sourit, soulagé. Bjorn et Maniel apparurent au détour du sentier. Ils étaient couverts de sang, mais ne paraissaient pas blessés. Quand le chevalier voulut expliquer ce qui s'était passé, Edwin lui intima le silence. Quelques secondes plus tard, les hurlements des rails se retentirent, faisant sursauter Salim, qui voulut se remettre à courir. Edwin lui saisit l'épaule. « Attends !» Le premier rail s'apparut à moins de 10 mètres. Il sembla étonné de les voir si près et ralentit sa course. « On y va !» hurla Edwin. Entraînant Camille par le bras, il s'élança. Les autres suivirent. Le maître d'armes avait raison. Le sentier descendait, d'abord imperceptiblement, puis de manière plus marquée. Les rochers étaient de plus en plus élevés autour d'eux, et il fallait faire continuellement attention à ne pas trébucher sur le sol accidenté. Soudain, le terrain redevint plat, la végétation s'éclaircit, et ils arrivèrent dans une clairière, les raïs sur leurs talons. La trouée était occupée par une poignée de huttes massives, grossièrement construites. Une douzaine d'ogres se trouvaient là. Abasourdis par l'arrivée des humains, ils ne réagirent pas immédiatement. Lorsqu'ils commencèrent à bouger, les compagnons avaient presque traversé la clairière. Un ogre se dressa toutefois sur leur passage. Sans ralentir, Edwin tira son sabre de derrière son épaule et fouetta l'air en un fulgurant aller-retour. Le monstre s'écroula. Ils atteignirent l'oreille de la forêt. « Foncez !» ordonna Edwin. « Je vous rattraperai plus loin. Bjorn, prends la tête !» Le chevalier obéit et Edwin s'arrêta. Elana se rangea à ses côtés. Il la regarda avec un sourire, mais resta silencieux. Le reste du groupe s'enfonça dans le bois. Dans la clairière, les raïs percutèrent le groupe d'ogres. Des hurlements de fureur s'élevèrent et la mêlée devint générale. Elana vit un ogre déchaîné se servir du corps d'un raï pour faire le vide autour de lui. Un autre, pourtant lardé de coups d'épée, rugissait en fracassant des crânes et en arrachant des bras. Quand il devint évident que les ogres avaient le dessus, Edwin se tourna vers Elana. « On peut y aller !» décida-t-il. La jeune femme le fixait, admirative. « Comment savais-tu qu'il y avait un corps ogre ici ?»« J'ai longtemps vécu dans les marches du Nord. Là-bas, les ogres sont presque aussi nombreux que les siffleurs le sont ici. Ils se comportent d'une façon assez prévisible. Il n'était pas difficile de les retrouver. » Elana hocha la tête. « Ils ne vont pas nous poursuivre ?»« Non, les ogres ne sont pas assez intelligents. Et avec les raïs, ils auront à manger pour au moins une semaine. L'estomac est la seule chose qui compte pour eux. Allez, on y va !» Après un dernier coup d'œil sur la clairière où la horde de rails se faisait tailler en pièces, Edwin et Elana s'élancèrent sur le sentier. Ils rattrapèrent les autres sur la piste principale alors qu'ils rassemblaient les chevaux. Du regard, Maître Douhomme interrogea Edwin. « C'est bon !» l'informa celui-ci. « Nous sommes tranquilles jusqu'au prochain paquet cadeau que nous enverrons les Tzlich. » « Mais que diable fabriquait-il ici ?» ragea Bjorn. « Je croyais que les Raïs étaient au nord en train d'affronter l'armée impériale. »« Ils y sont, » répliqua Edwin. « Ceux-là ont été envoyés par les Tzlich. » « Les Tzlich se sont guidés à mon dessein, j'en ai conscience, » déclara Camille. « Mais comment peuvent-ils s'assurer que leur plan a fonctionné ?» Maître Douhomme avait du mal à récupérer et Artis se tenait près de lui, de manière à intervenir rapidement en cas de problème. Le vieil analyste tint toutefois à répondre. Ils ne peuvent pas le savoir en restant là où ils sont, expliqua-t-il. Les Raïs étaient de toute façon sacrifiés, car je doute que les Tzlich aient eu l'intention de les renvoyer vers le nord. Il est probable, par contre, que l'un d'eux prendra le risque d'effectuer un pas sur le côté pour vérifier que tu as été tué, mais pas tout de suite. D'ici là, il faut que tu t'abstiennes du moindre dessein. Nous devons quitter cette piste au plus vite. Edwin ? Le maître d'armes hocha la tête. « Plus facile à dire qu'à faire, » indiqua-t-il. Tant que nous serons dans les collines de Taj, nous ne trouverons pas d'autre route que celle-ci. Dans 2 jours, les choix seront plus nombreux. Et si nous ne nous arrêtons pas cette nuit ? Hasarda Salim. Alors demain soir, nous serons sortis des collines, mais nous serons épuisés. Et si nous faisons une mauvaise rencontre, elle risque de mal tourner. Le garçon eut l'air gêné. Je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, s'excusa-t-il. Ne te reproche rien, le rassura Edwin. Tu n'as pas dit de bêtises, au contraire. Je pense d'ailleurs que nous allons courir ce risque et miser sur une traversée rapide des collines. Duhom, tu t'installes à l'arrière du chariot avec Artis. Non, ne proteste pas, ça ne servira à rien. Salim, tu mènes l'attelage, d'accord ? Le garçon carra les épaules. Sans lui accorder le temps de fanfaronner, Edwin poursuivit. Et Willan, tu grimpes à côté de Salim. Ce sera lourd dans les côtes, mais nous n'avons pas le choix. Et Lana, Maniel et... Je peux prendre le cheval de Hans ? Le coupa Camille. Tu sais monter ? S'étonna Edwin. Je n'ai jamais essayé, répondit-elle tranquillement. Je crois pourtant que je peux y arriver. Edwin la jaugea un instant, puis accepta. Pourquoi pas, nous serons vite fixés. Si tu y parviens, ce sera plus facile pour établir un roulement de repos dans le chariot. Prends Murmure, proposa Elana. Il est plus doux que les étalons de guerre qu'utilise cet âne muscle. Le cheval noir de la jeune femme était fin, plus petit que les autres, avec un regard calme et intelligent. Camille l'avait trouvé magnifique dès leur première rencontre. Elle s'approcha de lui et le gratta entre les yeux comme elle avait vu ses compagnons faire. Le cheval accepta volontiers la caresse. « Je suis sûre que tu t'en sortiras », observa Elana. « Ton comportement est juste. Il a déjà confiance en toi. » La jeune femme lui expliqua rapidement les techniques de base avant de l'aider à se hisser sur la selle. « Alors ?» demanda-t-elle. « Comment te sens-tu là-haut ?» Camille eut du mal à répondre. Elle s'adaptait à la situation avec l'aisance d'une cavalière expérimentée, ce qui la troublait un peu. Se pouvait-il que son corps ait conservé une mémoire dont son esprit avait été privé ? « Génial !» finit-elle par dire. « Alors en route !» lança Edwin. Salim regardait son ami juché sur le cheval avec une pointe de jalousie. Mais il avait une mission, et quand il prit les rênes, il se sentit soudain aussi important que Camille. Il retrouva son sourire. Hu cocotte, hu bourrichon, cria-t-il. L'attelage s'ébranla pour attaquer la montée. Camille était parfaitement à l'aise sur le dos de Murmure. Le cheval répondait à chacune de ses sollicitations, comme s'il devinait à l'avance ce qu'elle pensait et veillait à son équilibre et à son confort. Elana, qui avait enfourché la monture de Hans, chevauchait à côté d'elle. Tu t'en sors à merveille, commenta-t-elle. C'est à croire que tu as passé ta vie sur le dos d'un cheval.